Dimanche 28 juin 2020, vous écoutez la radio Isanganiro, votre station préférée. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal, la grande édition de cette mi-journée dominicale. D'abord, les grands titres. À quelques jours de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Burundi, perdu avec la signature du traité de Kiganda, signé le 6 juin 1903 entre les Allemands et le roi Moïse Gisawo, l'historien et professeur d'université Denis Banchimibusa estime que ce traité de Kiganda n'était pas en soi un traité, mais plutôt un procès-verbal que ce roi a été contraint d'accepter, vous l'entendrez dans son journal. Et certains habitants de la commune Rugomba en province Cibitoke apprécient positivement la mesure du chef de l'État de redynamiser les juridictions collinaires qui, selon ses habitants, vont diminuer les différends au sein de la population. Vous suivrez dans ce journal le micro-baladeur de la radio Isanganiro. C'est dimanche, vous en êtes habitué. Nous vous préparons la chronique nutrition. Notre confrère Jean-Marie Mayounga s'active à cet effet. Il nous parlera de la plante appelée Orti. Innocent Bimonimana assure la mise en onde de cette édition. Aimé Richard Nyonguru à la présentation. Rebonjour et bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour et bonne réception. Le 1er juillet 2020 prochain, le Burundi va célébrer 58 ans de son indépendance et qu'il avait perdu avec la signature du traité de Kiganda signé le 6 juin 1903 entre les Allemands et le roi Moïse Gisawo. Le professeur historien Denis Banchimibusa dit que ce traité de Kiganda n'était pas en soi un traité, mais plutôt un procès-verbal que le roi Moïse Gisawo a été contraint d'accepter. Toutefois, pour occuper le pays, cet historien dit que les Burundais ont d'abord résisté avant de se rendre suite à la supériorité des armes des Allemands. Suivez-le. Il s'exprimait dans l'émission Tuvahe Tujahe. Ugambereho nagira mvuge yuko umwami n'ingabo ziwe baragwanye nyakugwana. Avant tout, je signale que le roi et ses combattants ont d'abord opposé une résistance farouche aux soldats allemands. Le roi et ses combattants ont fini par perdre le combat. De 1902 jusqu'à la signature du traité de Kiganda, il y a eu ce qu'on appelle expédition punitive, c'est-à-dire que les soldats allemands ont mené des attaques dans tous les palais royaux. Concernant le traité de Kiganda, je dirais en soi qu'il ne s'agissait pas d'un traité au vrai sens du terme, qu'il y ait eu des signatures ou non. L'essentiel est que le roi a accepté ce que les Allemands lui ont imposé. D'abord, le roi Moïse Gisawo a accepté le pouvoir des Allemands pour avoir tenté de résister à leur installation. Il leur a promis de payer une amende de 424 vaches. Il lui a aussi été imposé de donner 70 vaches à chacune des familles de ceux qui ont aidé les Allemands. Il a aussi attribué les territoires de Bukeye et Muramvya aux dissidents Kirima et Machoncho. Les Allemands lui ont promis une garde pour sa sécurité à condition d'accepter de coopérer avec eux. Le roi a aussi accepté de donner des manœuvres aux Allemands et de leur accorder la liberté de circulation dans tout le pays. Les Allemands lui ont alors remis leur drapeau. Il ne s'agit pas en soi d'un traité. C'est la raison du plus fort qui a été mise en avant. Professeur Denis Banchimibusa, qui était traduit en français par notre confrère Aubin Niyonguru. Je vous l'avais annoncé en titre, certains habitants de la commune Rugomba en province de Cibitoke apprécient positivement la mesure du chef de l'État de redynamiser les juridictions collinaires. Ceux qui se sont exprimés au micro-baladeur de la radio Isanganiro ce dimanche disent que ce sont les notables de la colline qui savent les conflits qui peuvent exister dans la localité. Ces habitants estiment que ces juridictions collinaires viennent trouver solution à des conflits éventuels. Suivez-les. Aujourd'hui, après un petit différend, une personne s'apprête à saisir le tribunal de résidence ou les officiers de police judiciaire à la commune, alors que ce sont des conflits sur lesquels il ne fallait pas saisir d'autres instances. Et l'on remet le dossier aux juridictions de base, c'est-à-dire collinaires. Si aujourd'hui, l'on réhabilite vraiment les juridictions collinaires, ce serait bien. Les gens retrouveraient une bonne cohésion sociale. Ce sont les notables collinaires qui régleraient les conflits sociaux, fonciers et d'autres, car ils connaissent mieux les personnes en conflit. C'est très bien. La plus-value sera que d'autres juridictions ne seront plus saisies tout le temps. Et d'ailleurs, ça fatigue les juges pour rien. En général, nous avons bien accueilli cette mesure du président de la République. Des fois, des juridictions ordinaires tranchent sans qu'ils puissent savoir l'origine des conflits. Et cela peut occasionner de l'injustice de cette partie ou de l'autre. C'est pour cela que nous sommes satisfaits de la mesure de redynamiser cette juridiction collinaire. Cette instance judiciaire maîtrise bien l'origine du conflit au niveau local. La plus-value de la justice collinaire est de diminuer les conflits et cela permettra de lutter contre la justice populaire car des fois l'injustice conduit à la vengeance. Depuis l'annonce de cette mesure du nouveau président de la République, nous avons été satisfaits. Il n'y aura plus eu d'injustice car la juridiction collinaire tranchera en fonction de la réalité. Au niveau local, l'on connaît tous les conflits. Cette instance tranche de façon équitable pour l'intérêt de tous. Nous avons l'envie de cette juridiction collinaire. Cette juridiction existait, il vient donc la redynamiser comme auparavant. Nous espérons que cette fois-ci, la justice collinaire se rapproche de nous en cas de saisie. L'avantage est que le citoyen aura une justice collinaire qui se rapproche de lui pour lui rétablir dans ses besoins. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h05 au studio de la radio Isanganiro, on poursuit ce journal par cette page économie. L'adhésion du Burundi à la communauté de l'Afrique centrale SADC apportera une plus-value, comme l'ouverture des jeunes burundais à trouver l'emploi dans ces pays. C'est la considération de professeur Niyoboke, expert en économie, qui ajoute également que sans planification des projets, ce projet sera sans effet. Cet expert le dit après que le premier ministre tanzanien est promis de contribuer pour que le Burundi puisse faire partie de cette communauté. Suivez-le au micro d'Ornella Mouch. L'adhésion à un groupement économique, c'est toujours l'adhésion est bien faite, donc il y a toujours de gains, il y a toujours de bénéfices. On regarde est-ce que le SADC en soit bien, si on regarde la position du Burundi par rapport à ce groupement, moi je dirais qu'il y a pas mal d'avantages. Les pays qui font partie intégrante dans ce groupement, c'est le pays peut-être qui sont engagés pour longtemps, j'en dis. Jusqu'ici, je vous dirais qu'avec ce groupement, il y a toutes les étapes d'intégration déjà sont franchis, je pense aussi à nous. Autrement dit, ça dit que le Burundi, pour pouvoir faire partie de ce groupement, il faudrait que le Burundi puisse aussi être informé, puisse savoir que c'est autant répondre aux exigences du tissu qui est là de ce groupement. Alors, le tissu social et économique, je vais dire, il faudrait voir l'harmonisation de certains instruments qu'on a à notre niveau et comment marier ce qu'on a à ce groupe. Quelles sont les concessions éventuelles par rapport à l'adhésion à ce groupement? Parce qu'on doit se déclencher. On doit relâcher certains aspects pour y être à un niveau de l'autre côté. Ou bien que faire pour arriver à la barre qui est déjà à un haut niveau comparé au Burundi? Comment arriver à être au même niveau, à la même surface? Que la paire, c'est spécialement adressé aux décideurs, spécialement au gouvernement. Il faudrait que le gouvernement, franchement, pense à l'UICR, à l'ACIDA, et plutôt puisse associer les opérateurs économiques, spécialement, pourquoi pas, les scientifiques. Il y en a beaucoup qui brillent, les avantages d'une économie qui a des raisons. Jean-Prosper Niyoboke, économiste au micro de notre consoeur Ornella Mucho, et vous voudrez bien nous excuser de cette qualité sonore. 10 personnes à la colline Maramanyenye, zone Gatabo de la commune Kayogoro, sont mises sur la liste qualifiée des insurgés dans la note circulaire du conseiller collinaire. Cette note stipule que Ces 10 personnes n'auront plus l'accès aux services de l'administration collinaire. Certaines parmi ces personnes disent qu'elles sont victimes de leur dénonciation de l'entrée illégale de personnes en provenance de la Tanzanie. Le gouverneur de la province Makamba mentionne qu'un centre de mise en quarantaine serait installé dans cette localité pour faciliter le suivi médical. On reviendra sur cet élément dans notre édition de la soirée. Radio Isanganiro, chronique nutrition. L'ortie est une plante de grande importance au niveau de la santé chez l'individu qui la consomme. C'est l'explication de Gilbert Nangwahafi, expert en nutrition. Selon Nangwahafi, cette plante agit contre les douleurs de l'arthrite, des rhumatismes et soulage le corps en cas d'inflammation bénigne de la prostate. Cet expert dit que cette plante peut être consommée en légumes, des jus ou des tisanes. La chronique nutrition d'aujourd'hui est signée Jean-Marie Mayong. Selon les explications de Gilbert Nangwahafi, expert en nutrition, l'ortie stimule la production de la mélanine dans la peau et contient des différentes vitamines dont notre corps a besoin. L'ortie stimule la production de la mélanine dans la peau, favorise aussi l'élasticité de la peau, la régularisation de la kératinisation, c'est-à-dire qu'elle lutte contre l'acné. L'ortie est aussi indispensable pour une bonne vision. Tout cela, c'est grâce à la vitamine A, c'est-à-dire dans la proportion de 100 g de feuilles fraîches de l'ortie, on trouve de la vitamine A à une teneur de 0 à 6 mg. Dans ces feuilles fraîches de l'ortie, donc 100 g de feuilles fraîches de l'ortie, on y trouve aussi de la vitamine B. C'est une vitamine qui renforce les fonctions cognitives. L'ortie aussi intervient dans la stimulation de la défense immunitaire grâce à la vitamine C. L'ortie est aussi très intéressante grâce à une liste de minéraux qu'elle contient, le magnésium, qui facilite l'élimination des crampes musculaires. L'ortie possède aussi le fer qui va lutter contre la fatigue physique et ou intellectuelle en reconstituant les globules rouges. Gilbert Nangwahafi précise que l'ortie se présente sous plusieurs sortes dont une est cultivée au Burundi. Il existe 5 types de l'ortie. L'ortie dioïque ou grande ortie, c'est la plus fréquente et la plus abondante qui peut atteindre 1,50 m de hauteur. Le deuxième type, c'est l'ortie à pleurir, qu'on cultive surtout dans les régions méditerranéennes. Le troisième type, c'est l'ortie brillante. Le quatrième type, c'est l'ortie jaune, tandis que le cinquième type, c'est l'ortie blanche. Toujours selon l'expert Gilbert Nangwahafi, cette plante ortie peut être consommée comme des légumes, du jus et de tisane. Sachez tout d'abord que les feuilles de l'ortie peuvent remplacer les épinards et les boulettes. Elles se consomment donc en plusieurs manières, en soupe, en salade, en jus, en infusion, en tisane ou bien comme des légumes. L'ortie lutte aussi contre l'ostéoporose. C'est un anti-inflammatoire aussi. Grâce à un minéral qu'on appelle calcium et à un autre minéral qu'on appelle zinc, que l'ortie contient à une teneur très élevée. L'ortie contient aussi du potassium, sélénium, phosphore et manganèse. L'ortie est une plante qui peut être cultivée partout dans tous les types de sols, soit caillouteux ou profonds. De même, cette plante est cultivée au Burundi, même si certains ne savent pas les bienfaits de cette plante. Merci Jean-Marie Mayonga et l'expert en nutrition à 13h12 et sur Isanganiro. C'est la fin de cette édition. Mais à vous qui nous avez rejoints en cours de route, je vous rappelle les grands titres. À quelques jours de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Burundi, perdu avec la signature du traité de Kiganda signé le 6 juin 1903 entre les Allemands et le roi Mwenzi Gisabo, l'historien et professeur d'université Denis Banchimiwusa a estimé que ce traité de Kiganda n'était pas en soi un traité, mais plutôt un procès-verbal que le roi Mwenzi Gisabo a été contraint d'accepter. Vous l'avez entendu, et certains habitants de la commune Lugomba en province de Cibitoke apprécient positivement la mesure du chef de l'État de redynamiser les juridictions collinaires qui, selon ses habitants, vont diminuer les différends au sein de la population. Et c'est dimanche, vous venez d'entendre la chronique de suivre, la chronique nutrition. Jean-Marie Mayonga nous a parlé de la plante appelée ortie. Et bien voilà, à 13h13, sur Isanganiro. Merci à vous tous de nous avoir prêté oreille attentive. Merci à Innocent Bibonimana et toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à la réalisation de ce journal. Et mes Richard Nyonguru, je vous l'ai présenté. Je vous ai de passer un très bon après-midi, mais surtout un très bon dimanche chez vous. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Au revoir.